Nombre chapitre 20. Or les enfants d'Israël, savoir, toute l'assemblée, arrivèrent au désert de Tsin, au premier mois, et le peuple demeura à Kadès, et Marie mourut là, et y fut ensevelie. Et n'y ayant point d'eau pour l'assemblée, ils s'attroupèrent contre Moïse, et contre Aaron. Et le peuple disputa contre Moïse, et ils lui dirent, plus à Dieu que nous fussions morts, quand nos frères moururent devant l'Éternel. Et pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour y mourir, nous et nos bêtes? Et pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte, pour nous amener en ce méchant lieu, qui n'est point un lieu pour semer, ni un lieu pour des figuiers, ni pour des vignes, ni pour des grenadiers, et où même il n'y a point d'eau pour boire? Alors Moïse et Aaron se retirèrent de devant l'assemblée, à l'entrée du tabernacle d'assignation, et tombèrent sur leur face, et la gloire de l'Éternel apparut. Puis l'Éternel parla à Moïse, en disant, prends la verge, et convoque l'assemblée, toi et Aaron, ton frère, et parlez en leur présence au rocher, et il donnera son eau, ainsi tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à leurs bêtes. Moïse donc prit la verge de devant l'Éternel, comme il lui avait commandé. Et Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, et il leur dit, vous, rebelles, écoutez maintenant, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher? Puis Moïse leva sa main, et frappa de sa verge le rocher par deux fois, et il en sortit des eaux en abondance, et l'assemblée but, et leurs bêtes aussi. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez point cru en moi, pour me sanctifier en la présence des enfants d'Israël, aussi vous n'introduirez point cette assemblée au pays que je leur ai donné. Ce sont là les eaux de dispute, pour lesquelles les enfants d'Israël disputèrent contre l'Éternel, et ils se sanctifièrent en eux. Puis Moïse envoya des ambassadeurs, de Kadès, au roi d'Édom, pour lui dire, ainsi a dit ton frère Israël, tu sais tout le travail que nous avons eu. Comment nos pères descendirent en Égypte, où nous avons demeuré longtemps, et comment les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Et nous avons crié à l'Éternel, qui, ayant entendu nos cris, a envoyé l'ange, et nous a retirés d'Égypte. Or voici, nous sommes à Kadès, ville qui est au bout de tes frontières. Je te prie que nous passions par ton pays, nous ne passerons point par les champs, ni par les vignes, et nous ne boirons point de l'eau d'aucun puits, nous marcherons par le chemin royal, nous ne nous détournerons ni à droite, ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons passé tes limites. Et Édom lui dit, tu ne passeras point par mon pays, de peur que je ne sorte en armes à ta rencontre. Les enfants d'Israël lui répondirent, nous monterons par le grand chemin, et si nous buvons de tes eaux, moi et mes bêtes, je t'en payerai le prix, seulement que j'y prenne mon passage. Mais Édom lui dit, tu n'y passeras point. Et sur cela Édom sortit à sa rencontre avec une grande multitude, et à main armée. Ainsi Édom ne voulut point permettre à Israël de passer par ses frontières, c'est pourquoi Israël se détourna de lui. Et les enfants d'Israël, savoir, toute l'assemblée, étant partis de Kadès, vinrent en la montagne d'Or. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, en la montagne d'Or, près des frontières du pays d'Édom, en disant, Aaron sera recueilli vers ses peuples, car il n'entrera point au pays, que j'ai donné aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon commandement aux eaux de la dispute. Prends donc Aaron et Éléazar, son fils, et fais-les monter sur la montagne d'Or. Puis fais dépouiller Aaron de ses vêtements, et fais en revêtir Éléazar, son fils, et Aaron sera recueilli, et mourra là. Moïse donc fit ainsi que l'Éternel l'avait commandé, et ils montèrent sur la montagne d'Or, toute l'assemblée le voyant. Et Moïse fit dépouiller Aaron de ses vêtements, et en fit revêtir Éléazar, son fils, puis Aaron mourut là, au sommet de la montagne, et Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Et toute l'assemblée, savoir, toute la maison d'Israël, voyant qu'Aaron était mort, ils le pleurèrent 30 jours.